Les studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès C'est Fou édition anglo. Bonjour et bienvenue à l'édition anglophone des Palmarès C'est Fou pour la semaine du 10 au 16 février 2010. Je m'appelle Mathieu Plante et chaque semaine, on écoute ce qui se passe dans le top 20 anglophone, c'est-à-dire les pièces les plus appréciées des animateurs de C'est Fou. La semaine passée, le numéro 1 en anglophone était Hands de The Almost, oui! On a quelques nouvelles entrées cette semaine, il y en a 4 et on va les entendre les 4 dans le premier bloc de l'émission. Il va y avoir la nouvelle entrée de Charlotte Gainsbourg tout à l'heure. Il va aussi y avoir du Seth the Whale et du Yukon Blonde. On débute avec la 20e position. Voici la formation Make Me Young et la pièce The Materialist dans les Palmarès C'est Fou au 89.5. Numéro 19. Nouvelle entrée. How the girl numéro 18. Nouvelle entrée. Charlotte Gainsbourg et la pièce IRM, la pièce titre de son plus récent album, c'est en 17e position. Avant ça, on a entendu Set the Whale avec Camilo the Magician en 18e. Avant ça, il y avait You Can Blonde avec Rather Be With You en 19e. D'ailleurs, si on regarde un petit peu You Can Blonde, ils ne viennent pas du Yukon, non, ils viennent de Colombie-Britannique. Oui. Et on a débuté le bloc avec la formation ontarienne Make Me Young et leur pièce The Materialist de l'album Make Me Young, l'album homonyme du groupe. Voilà. Vous êtes dans l'édition anglophone des Palmarès, c'est fou. Encore une fois, je répète que la semaine dernière, le numéro 1, c'était The Almost avec Hands. On va voir si ça tient d'ici la fin de l'émission. Mais d'ici la fin, il y a plein de pièces excellentes qu'on va entendre. Et d'ailleurs, dans le prochain bloc, il va y avoir Baja Bullet et Parlor Steps. Mais on débute avec une pièce qui descend de la 5e position. Elle est en 16e maintenant. C'est Wild Wild Mummy. Voici The Devil's Hot Rod. Oh, 89 FM, c'est fou! Where we go, cell phones are not needed. go, where we go, our money's not needed. Where we go, where we go, email is not needed. Numéro 14. How could I be the last to know when they told me where the fool had gone? Oh, I was but the youngest one up there on the hills they're climbing on. You went up with an open heart and they found you was all but cold. Those hounds they sing so long. Numéro 13. Bjorn Scott Johansson avec Clean en 13e position anglophone. Ça monte de 3 places. C'était précédé de Baja Bulat avec Gold Rush qui monte de 4. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Même chose pour Power Steps avec Sleeping City qui, elle, monte de la 19e place. Et on a débuté le bloc avec Devil's Hot Rod et Wild Wild Mummy qui descend de la 5e. Pauvres eux, mais probablement une autre pièce s'en vient très bientôt de Devil's Hot Rod. Je pourrais pas mal garantir ça. Dans le prochain bloc de ce palmarès anglophone, on va entendre Woodhands avec l'excellente pièce Pockets, mais on débute avec une autre excellente pièce, celle de Two Hours Traffic. Voici Territory qui monte de 2 places. Ça se passe maintenant à C'est Fou 89 FM. That is fine, but they're sending you sheets. numéro 11. Thank you. La pièce Pockets de Wood Hands en position numéro 11, ça monte de deux places et c'était précédé de Two Hours Traffic avec Territory qui monte de deux places. Les deux pièces sont là depuis trois semaines seulement. Ça monte tranquillement, ça. Vous êtes toujours dans l'édition anglophone des Palmarès C'est Fou. On écoute le top 20 des pièces anglophones les plus appréciées des animateurs de C'est Fou. Je vous rappelle que la semaine passée, le numéro 1, c'était The Almost avec Hands. On va voir très bientôt d'ici, je dirais, Caroline, c'est dur de calculer comme ça, évidemment. 50 minutes à peu près. À peu près 50 minutes. Bon. Dans le prochain bloc, il va y avoir Albert Cross, mais on écoute tout de suite Tegan and Sara en 10e position. Ça monte de 5. La pièce s'appelle Arrow. Et c'est dans les Palmarès C'est Fou. Au 81 FM. Buttercross et Rise from the Shadows qui montent de deux places en 9e position. C'était précédé de Tegan and Sarah avec Hero de leur pièce de leur album We Saint Hood. Ça monte de 5 places en 10e position anglophone. On se rend jusqu'au numéro 1, évidemment, dans ces palmarès C'est fou, édition anglophone. Le numéro 1 la semaine passée qui était occupé par Hands de la formation The Almost. On va bientôt savoir si ça tient. Il nous reste les positions 8 à 1 à entendre. Alors, continuons tout de suite. On a bien commencé ça. Non, pourquoi ne pas continuer? Il va y avoir Government Mule tantôt, mais on commence par la 8e position. Ça monte de 4. Voici Priestess et It Baffles the Mind. Au 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. numéro 7. Thank you. C'était Government Mule avec Broke Down on the Brazos en position numéro 7. Ça monte d'une place. Et on a entendu avant Priestess avec It Baffles the Mind. Ça monte de 4 positions et c'est en 8e anglophone. Reste avec nous parce qu'après la pause, on entre dans le top 6. Il va y avoir Jet, You Say Party, We Say Die. Et on va savoir enfin qui est notre grand numéro 1. C'est les Palmarès Anglo. Numéro 6. Big mistake. The Almost et Hands, c'est l'ancien numéro 1 anglophone la semaine dernière. Maintenant, c'est en cinquième position. Et avant, on a entendu Jet et She's a Genius, qui était numéro 1 il y a deux semaines, je crois. C'était numéro 2 la semaine passée. C'était leur album Shaker Rock. Vous êtes dans l'édition anglophone des Palmarès C'est Fou. Il nous reste seulement les positions 4 à 1. Il y a des choses qui ont monté pas mal. Pas mal. Mais la prochaine, elle a descendu d'une place. Voici You Say Party, We Say Die. Et Glory, c'est fou. 89 FM, c'est la radio campus de Trois-Rivières. Sure. Romance is Boring par Los Campesinos. Ça a monté de la 20e place, donc saut de 17 positions pour la pièce-titre du plus récent album de Los Campesinos. Avant, on a entendu You Say Party, We Say Die avec Glory. Ça descend d'une place et ça vient de leur album Quadruple X ou XX. XX. Vous êtes dans les Palmarès assez fous, édition anglophone. On a entendu notre numéro 1 de la semaine passée. C'est maintenant rendu en 5e place. Hein. On sait, on a un nouveau numéro 1. On sait pas ce que c'est, par contre. C'est une formation qu'on a entendue pas mal de fois cette semaine assez fous, hein, évidemment, parce que le top 20 anglophone est toujours basé sur ce que les animateurs de ces fous font jouer. Donc, on sera tantôt. Mais pour l'instant, on écoute OK Go avec une pièce qui monte de 4 places. Voici This Too Shall Pass. Assez fou, 89.1 FM. This Too Shall Pass par la formation OK Go. C'est le premier extrait de leur album Of the Blue Color of the Sky. C'est en position numéro 2. Ça monte de 4 places. Voilà, il nous reste seulement le numéro 1 à entendre. On sait, on a un nouveau numéro 1. C'est plus The Almost avec Hands. Non, ce n'est plus ça du tout. C'est complètement autre chose. Je dirais que cette pièce-là, je l'adore. Je l'aime. Je suis en amour avec. J'étais pas en couple. J'étais célibataire. J'ai fait pas mal à cette pièce-là. Hein? Un peu comme dans la bonne vieille histoire là, perverse de Roméo Chose là. Roméo Dallaire, hein? Dallaire ado. Oh, les radeaux. Et en première position. House plants to keep lovers come and go. And I ask if it makes her sad. Say, son, you've got so much to learn. The love life that you have kept. Smiling on your dying day. You got a grace about you, yeah. Smoking her last cigarette. Puts on Patsy Cline, cuts across some sandwiches and mentions how she don't mind dying. Tells stories about Pearl and Earl, best friends that she once had. We do the dishes, then she says it's time for bed. The love life that you have kept, smiling on your dying day. You got a grace about you, yeah. Smoking her last cigarette. Last night before she slept. No plans for breakfast except to read the note she left. Gray and white skies. That day was a blur for me. She made me promise not to cry. So here is drink, I'll drink to thee. The love of life that you have kept. Smiling on your dying day. You got a grace about you, yeah. C'était la première position du palmarès anglophone de Cifou, mais avant de dire le numéro 1, on va faire un petit récapitulatif du top 5, bien sûr. En cinquième position, on trouvait l'ancien numéro 1, The Almost, avec Hands. En quatrième, c'est You Say Party, We Say Die, avec Glory. En troisième, Los Campesinos, avec Romance is Boring. En deuxième, OK Go, avec This Too Shall Pass. Et on vient d'entendre le numéro 1, c'est Colorado, avec Juliette. Donc, vous avez compris, jeu de mots, Colorado, Romeo Dallaire-Ado, hein, de cœur. Ça monte de 3 places, et ça vient de l'album Record in a Bag, qui est tout nouveau. Tout nouveau, c'est neuf, c'est frais, sorti du sac. Voilà. Pour le top 20 anglophone, c'est terminé. Il n'y en a plus d'autres. On arrête ça ici, tout de suite, sec de même. Mais par contre, si vous écoutez en direct le mercredi, parce que nous, on est mercredi et jeudi en direct entre 13h et 15h, anglophone, francophone, etc., etc. Donc nous, on va continuer avec le top 30 des CD, le top 10 électronique et le top 10 loud dans la dernière demi-heure qu'on appelle l'extra sauce brune. Les auditeurs du vendredi, eux, vont sauter directement dans la version francophone des palmarès juste après la pause. Mais où que vous soyez, qui que vous soyez, peu importe qui c'est que vous êtes, on se quitte tout de suite avec une pièce de Chad Van Galen. C'était sur le palmarès en 2008. Ça s'appelle Willow Tree. Et à tout de suite. Sleep all day. Bon, tour sur la deuxième partie des palmarès, c'est fou, c'est la portion extra sauce brune, mais je m'appelle quand même Mathieu Plante, ça continue, comme ça, ça arrête pas ça, je n'arrête pas de m'appeler Mathieu Plante. Tantôt, on a fait le tour du top 20 anglo, et je vous rappelle que le top 20 franco aura lieu demain, jeudi, entre 13h et 15h, mais nous, dans cette dernière demi-heure, ce qu'on fait d'habitude, c'est pas mal tout le temps le top 30 des CD, le top 10 loud et le top 10 électronique, mais on commence toujours par le top 10 électronique. C'est lui qui mène le bal, si on veut. Donc, on va le regarder comme ça en détail. Regardons les nouvelles entrées. Il y en a 4, dont une dans le top 3. Donc, mentionnons ceux qui ne sont pas dans le top 3, hein, pourquoi pas. En 8e, on retrouve la compilation Biomix Volume 1 2000-2010 de Bio Bazar, notre bon ami. En 7e, Defader avec Insomnia. Et en 5e, Logical Disorder avec Violent Playground. Voilà. On va mettre l'accent et l'emphase et tout ce que vous voulez sur le top 3. On va commencer par la 3e position d'ailleurs, la pièce Beggin' par Frankie Valli and the Four Seasons, remixée par l'artiste montréalais Akido, qu'on retrouve sur le mini-album d'Akido qui s'appelle The Early Years EP. Mais il est écrit d'une façon bizarre, là, ça occupe la 3e position cet album-là. Et la pièce donc s'appelle Beggin' et on écoute ça à l'instant dans les palmarès C'est fou, édition extra sauce brune. Au 89 FM. Suivra la pièce Salt of the Earth de la chanteuse norvégienne Anne Huckelberg de l'album Blood from a Stone en 2e position. numéro 2. La pièce Salt of the Earth de la chanteuse norvégienne Anne Ockelberg de l'album Blood from a Stone qui occupe la deuxième position du palmarès électronique de C'est fou. Avant ça, on a entendu la troisième, c'est la pièce Begin qui vient de Frankie Valli and the Four Seasons, remixée par l'artiste montréalais Akido. C'est sur le mini-album d'Akido qui s'appelle The Early Years EP et c'est cet album-là qui est en troisième position et qui en passant est disponible en téléchargement gratuit mais limité. L'adresse va être sur assemblagerequis.com. Il nous reste le numéro 1 du palmarès électronique. Ça va être la pièce Variation of Birds. Et c'est tiré de l'album Tomorrow in a Year qui, comme je le disais la semaine passée, et là c'était compliqué aussi la semaine passée, donc essayons de redire la même affaire et de comprendre en écoutant bien comme il faut. C'est la bande sonore de l'opéra Tomorrow in a Year qui est basée sur les théories de Charles Darwin et qui a été montée par la troupe danoise Hotel Proforma qui a demandé à la formation suédoise The Knife de composer la musique. Et la formation The Knife a collaboré pour la composition de la musique de l'opéra avec Mount Sims et Planning to Rock. Hein? Ça, c'est comme 6 degrés de Kevin Bacon juste là. Bon. Donc, on va aller entendre cette première position de l'opéra Tomorrow in a Year. Voici la pièce Variation of Birds. Ça se passe là, tout de suite, maintenant. On parlera assez fou au 89.fm. Et ça commence avec un bruit comme ça pendant genre 10 secondes. Mais après ça, ça devient comme... ça bouge beaucoup. Vous allez voir, c'est spécial. Mais c'est bon. ostrich spreads its plumes like sails to the breeze. Oui, pour ceux qui étaient avec nous mercredi dernier dans la même émission, les palmarès anglophones, la semaine passée, ce qui avait ouvert la dernière demi-heure, c'était aussi une pièce de cet opéra-là. Et ça avait provoqué bien des réactions. Il s'en passe des choses dans ces pièces-là, de cet opéra-là. Donc, rappelons que ça, c'était la pièce Variation of Birds, tirée de l'album Tomorrow in a Year, qui occupe la première position du palmarès électronique et qui est la bande sonore de l'opéra Tomorrow in a Year, basée sur les théories de Charles Darwin, montée par la troupe danoise Hotel Proforma, qui a demandé à la formation Swedish The Knife de composer la musique. Et la formation The Knife qui a collaboré avec la composition, pour la composition de la musique de l'opéra avec Mount Sims et Planning to Rock. Tous ces articles-là, c'est comme un PowerPoint d'informations sur l'opéra. C'est ce qui conclut le numéro 1, finalement. Puis Mathieu, est-ce que ça t'a donné le goût d'aller voir l'opéra en question? Je suis pas un fan, je suis pas un amateur, honnêtement, de ce genre-là. Non. J'aime le reste du palmarès électronique, ça c'est moins, ça me touche moins un peu. Mais en même temps, c'est quand même vague, là, la théorie de l'évolution comme thème pour un opéra ou pour quoi que ce soit, une pièce de théâtre ou un film. Donc étant donné que c'est tellement vague, en même temps, il fallait s'attendre un peu à ce que la musique ressemble à ça. Tout à fait. C'est pas pour tout le monde. Si vous avez aimé quelque chose ou même tout le palmarès électronique d'aujourd'hui, je vous rappelle que c'est diffusé le samedi soir à partir de 21h à l'émission Le Vestibule. Donc c'est notre ami Jean-François qui compose ce top 10 électronique avec brio chaque semaine. Voilà donc pour le top 10 électronique. Il nous reste le top 10 loud et le top 30 des CD. On va regarder un petit peu. On l'oublie une fois de temps en temps de le faire. Donc parlons-en du top 10 loud tout de suite. Tiens, il y a une seule nouvelle entrée en 10e position. C'est The Order of Vril par la formation Werewolf. Le numéro 3, c'est Barnburners avec Bangers. Ça monte de deux places. En deuxième, c'est Stable. 15e semaine de présence pour Baroness et Blue Record. Et en première, c'est Stable aussi. Ça fait 10 semaines que c'est là. C'est l'album The Ones I Condemned par... à l'infinitif. Pas tout de suite. De la formation Sacrifice. Ah, moi, les temps de verbe, hein? Pas pour moi, les temps de verbe, ça. Bon. Donc, c'est le top 10 loud. Maintenant, dans le top 30 des CD, c'est ce qu'on va aller entendre pour terminer l'émission d'aujourd'hui. On va entendre tout à l'heure du Yukon Blonde avec l'album Yukon Blonde et on va écouter la pièce Wind Blows. Mais avant ça, on va écouter la 18e place du top 30 des CD. C'est la formation Set the Whale. L'album s'appelle Islands Disappear. On va écouter l'extrait Out on the Shield. Et puis après ça, ben, Assemblage Requis va commencer. Key One va s'inclure encore plus. T'sais. Dans 10 minutes, Assemblage Requis. Restez là. We never meant to stay here. We were here for the gold, here for the gold, here for the gold. We never meant to stay here. We were here for the gold, here for the gold, here for the gold. We got stuck here for the winter. Just stay. Numéro 19. Wind blows, can you hear the wind blow? Listen to the raindrops outside of my window. Wind blows, can you hear the wind blow? Listen to the raindrops outside of my window. Listen to the raindrops outside of my window.